l'an de grâce 2009, d'étranges bards entreprirent de narrer les merveilles de cet art neuf, le cinématographe, source de plaisir. C'est à la cour d'LMS que bouffons et trouvères voulurent parler des films pleins de finesse et autres œuvres d'envergure. Mais attention, du noir et blanc, ici la couleur n'est pas de mise. On aime l'ancien, le truculent, Hollywood n'est pas notre terre promise. Le photogramme est tremblant, le fond du sang clenche, l'art du sang blanc s'imprimant en noir et blanc, les lumières de la ville, 18 images secondes, bichromique est la vie, la couleur n'est pas de ce monde, l'univers accélère, capturé derrière une vitre, projeté dans le vide, sur une pellicule qui vibre, des voiles et des ombres, des rouages en désordre, entraîne le mécanisme de la machine à rêve des hommes comme un battement inconstant durant le dénouement dans un livre vivant où on écrit le mouvement, défoulant les foules à enfreindre. Franchir l'interdit, le muet parle durant les intertitres. L'interstice se transforme en ellipse et laisse la scène mais pas le sens s'éclipser. Fixé sur des rails, le voyage est statique, multiple et unique, rationnel et magique. Machine vibrante qu'imagine être vivante, image qui pense et rend le minuscule immense. En d'autres termes, hautaine, pas modèle, elle démonte le monde et les temps modernes. Le thème, les rires, les peurs, les sueurs qu'il donne, la silhouette d'un petit homme à la Buster qui tonne. Entend le glas qui sonne et l'avènement du parlant navrant. Le silence n'est plus d'or dorénavant. Le photogramme est tremblant, étrangement sanglant, poussé dans ses retranchements, tranchant dans le vif et visant le mille, ensemble en dansant et pensant que le noir et blanc transcende. Sur ces bandes en noir et blanc, je remonte le temps, je navigue sur le souvenir de pin-up en sourire. Soudain je réalise, cette caméra est triste, cette vie enregistre crises et délires, combats et pornographie. Qu'à cette Alamo City, et même lorsque la couleur apparaît, c'est juste le terme de nos vies qui transparaît. Une pléthore de séquences témoigne de l'humain et de son sort, obscurant soudainement l'homme blanc et tous ses torts. Si peu d'histoire encore pour un art pouvant presque ignorer la mort. Ignorer la mort, ignorer la mort, ignorer la mort. De ma fenêtre, détraqué est le temps, plus de couleurs au tableau comme dans un film en noir et blanc. De nuances bien distinctes ont crayonné le quotidien. Il faut que je sorte pour aller voir de quoi cette ambiance en retient. Mais moi aussi j'en ai perdu mes couleurs, pas après pas elles disparaissent, nos naissances blancheur et noirceur. C'est étrange comme le monde semble tourner différemment, comme dans les films dans ce jouant ici et maintenant. J'hallucine grave et n'en crois pas mes yeux, le spectacle est saisissant, je vous l'assure mesdames et messieurs. Cliché cinématique sur la fresque y'a ma clique, c'est le moche crew qui s'applique. Les bombes de peinture addictes dans un présent sapé à l'ancienne, où chaque pas m'étonne. J'ai pris ses rimes comme une photo éternisant mon école d'art, tel qu'il se fait tard et que mon esprit me joue des tours. C'est dans un film en noir et blanc qu'avec ma plume je fais des détours. Silence, moteur, action, énième prise. Un trac tout dans les anciennes gris, production, période de crise. Quand la populace baisse à gris mine, comme si on tournait en pleine ville, sans décor, sans story, sans intrigue. Comme tourner un plan autour d'un vinyle en travelling, pour tout choper, ce dès la première prise. L'avoir dans la boîte sur cassette pour toute ta vie, en DVD, en 24 bits, sur VLC, en avis. Okay.